Bonjour, M. Bouchard. Pour revenir à nos fameux étudiants, au lieu de parrainer un enfant qui aille à l'école en Afrique, on pourrait parrainer un étudiant pour seulement 50 sous par jour. Alors, on pourrait montrer comment ils ont la vie difficile quand ils vont au pub, quand ils vont prendre de la bière, quand ils parlent avec le char, le iPhone, l'iPad, ça serait peut-être une belle boutade à le faire, leur montrer comment ils sont des gros bébés gâtés. C'est excellent, ça. Retrouvez-moi Sylvie Legault et Luc Sonnet. Il faut immédiatement partir Vision étudiante. Et on va envoyer ça en Chine. Tu sais, autrefois, c'est nous autres qui adoptaient la... Oui. La petite enfance, c'était quoi? La sainte enfance? Les plus vieux, là, vont se souvenir de ça. Les gens au Québec adoptaient des petits Chinois. Mais là, ça va être l'inverse. Les Chinois vont adopter des petits Québécois. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Luc Sonnet et Sylvie Legault, on va faire un beau reportage sur un étudiant. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi la recette? Ça prend une bedaine puis des mouches. Alors, t'en prends un qui vient de manger son McDo. Il est ben saoul dans la rue. Il vient de se saouler. Puis là, il y a quelques mouches parce qu'il est couché dans un sac de poubelle. Tu sais, ils prennent toujours le pire. Je suis pas en train de dire que les étudiants, c'est tout ça, là. C'est pas ça. On fait un show de TV, là. Faut que les Chinois nous financent, nous adoptent à 50 sous par jour. Fait que tu prends le pire. Lui qui sort du pub de l'Université Laval, il est couché dans les poubelles, il y a des mouches. Luc Sonnet, Sylvie Legault à côté, puis là, ils disent aux Chinois qui travaillent comme des malades, eux autres, puis les Japonais, puis les Coréens, regardez, c'est quoi un petit Québécois? Il y a des mouches, une bedaine, regarde. Puis là, ils vont nous adopter, puis ils vont nous envoyer de l'argent.